إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons après cette interruption le livre intitulé أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي للشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. Donc ce livre qui concerne les règles de jurisprudence du pèlerinage de la Umrah et également, comme on va le voir à la fin du livre, qui est donc le dernier chapitre, ce qui va concerner les règles de la visite de la mosquée prophétique. Donc tout ça est compris dans le livre. On a donc déjà bien avancé, walillah alhamd, et on est dans les dernières parties en ce qui concerne le pèlerinage. On s'était arrêté au cours dernier à cette phrase suivante du shir, rahimallahu ta'ala, walaysa bimina salatun eidin, bal ramu jamaratil aqaba, lahum ka salatil eid li ahli al-amsar. Wal-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, لم يصلي جمعة ولا عيدا في سفر لا بمكة ولا عرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة النسك لا خطبة جمعة ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. Donc le cheikh, après avoir longuement parlé en ce qui concerne le nombre de tawaf, ce que lui il a vu comme avis, cheikh al-Islam Rahimallah, sachant qu'on a détaillé sur cette question-là, et on a rapporté ce qui était le plus fort quant à l'argumentation, en revenant bien entendu sur les preuves citées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shir, il nous rappelle ici que la personne, lorsqu'elle a fini donc son tawaf, est bien entendu ici cité dans l'ordre prophétique, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son hajj, mais on avait vu qu'il n'y avait pas d'obligation dans l'ordre. Et qu'à chaque fois qu'une personne venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avancé un acte ou avait retardé un acte, à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait par cette phrase « La haraj, la haraj », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à cela. Ensuite, il va nous rappeler le shir que lorsqu'on va se trouver à Mina, donc lorsque les personnes, lorsque les pèlerins vont retourner à Mina. Et ce jour-là, c'est le jour du Eid, le jour du sacrifice, du Eid. Et donc, la personne, le pèlerin, ne doit pas prier la prière du Eid. Lui, ce jour-là, ce qu'il fait, entre autres, c'est Rami Jamarat al-Aqaba, c'est-à-dire donc qu'il va jeter les pierres à l'endroit qui s'appelle Jamarat al-Aqaba. Et le shir va nous dire que cela lui est comme la prière du Eid pour les gens qui, eux, n'ont pas fait le pèlerinage. Donc, les non-pèlerins, ceux qui n'ont pas fait le pèlerinage, qui sont restés dans leur foyer, qui sont restés dans leur pays, dans leur contrée, ces gens-là, eux, ils prient bien entendu ce jour-là Salat al-Eid. Pour ce qui est des pèlerins, non, ils n'ont pas prié cette prière-là. Et lorsqu'ils ont lancé les pierres, lorsqu'ils ont fait Rami Jamarat al-Aqaba, c'était donc comme la prière Bimathabati Salat al-Eid. Et donc ceux qui prient la Salat du Eid à Mina en tant que pèlerins, c'est donc une grande faute. Et c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et même des savants qui ont cité que c'était une innovation. Il n'y a pas donc de prière de Eid à prier ce jour-là. C'est uniquement pour ceux qui sont en dehors du pèlerinage. Et il nous rappelle le Cheikh rahimahullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié Jumu'ah, la prière donc du vendredi, et n'a jamais prié également la prière du Eid, donc de la fête, lorsqu'il était en voyage, que ce soit donc à Mecca ou alors que ce soit à Arafat. Et la khutbah qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Arafat, c'était ce qu'on appelle khutbah nusuk. C'était une khutbah qui était spéciale au rite du pèlerinage, qui rentrait dans le rite du pèlerinage, et n'était pas considérée donc comme khutbah jumu'ah. Car on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, waqafa bi Arafat yawm al-jumu'ah. C'est-à-dire qu'il a donc stationné à Arafat le jour du vendredi. C'est tombé donc un vendredi, son wukuf bi Arafat sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la khutbah qu'il a fait, à ne pas s'y méprendre donc, c'est une khutbah qui est spéciale au rite, et ce n'est pas considéré comme la khutbah du Jumu'ah, c'est autre chose, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié la khutbah du Jumu'ah. Et c'est pour ça qu'également le Shir, il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié à haute voix. Donc la récitation durant la prière ne s'est pas faite à haute voix. Bel sirran, c'est-à-dire qu'elle était à voix basse lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le dhuhr ou l'asr ensemble. Donc, ce qui prouve également que ce n'est pas la prière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié la prière du Jumu'ah. Sinon, s'il y aurait eu la khutbah et ensuite la prière du Jumu'ah, c'est-à-dire donc les deux rak'ah qui sont après la khutbah, automatiquement ça aurait été à voix haute, comme cela est la sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié lui à voix basse, ce qui prouve bien que cette khutbah ce n'était pas la khutbah du Jumu'ah, et que ces prières-là n'étaient pas une prière considérée comme celle du Jumu'ah, mais uniquement à dhuhr et ensuite le asr. Et donc également ici, que ce soit la prière du Eid lorsqu'on est à Mina, ou alors la prière du Jumu'ah lorsqu'on est à Arafat ou autre, lorsque ça tombe bien entendu le Jumu'ah, tout cela donc n'est pas valide, tout cela n'est pas bon, et il faut s'en écarter, il ne faut pas le faire. Et ce que font certains pèlerins, c'est donc en complète contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, yaqul rahimahullah fasl, donc un nouveau chapitre ici, il va donc nous parler, lorsque le pèlerin il a fait son tawaf, il revient donc à Mina pour y passer la nuit et pour passer donc les autres nuits de ce qu'on appelle Ayam al-Tashriq. Ayam al-Tashriq, qui sont les trois jours après le jour du sacrifice. Qui sont trois jours après le jour du sacrifice. Donc lorsqu'on dit Ayam al-Tashriq, il n'est pas compris dedans le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice est à part, et ensuite vient trois autres jours qui sont nommés Ayam al-Tashriq. Yaqul al-Shaykh rahimullah, Thumma yarji'u ila Mina, fayabitu biha. ويرمي الجمرة الثلاث كل يوم بعد الزوال يبتدي بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف ويستحب أن يمشي إليها فيرمي بسبع حصيات ويستحب له أن يكبر مع كل حصى وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيب الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقيم إلى يوم الثالث والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم. Donc le shir ici, il va nous parler de ce que l'on fait ensuite ayam al-tashriq, qui sont ayam ou mina, donc les jours où l'on reste à mina. Et on avait vu qu'il était obligatoire de passer la nuit à mina, ou la majeure partie de la nuit à mina. Donc le pèlerin, il revient à mina, après avoir fait son tawaf, pour ceux qui ont pu faire le tawaf. Et ensuite, donc, il y reste la nuit. Fayabitu biha. Ensuite, le jour suivant, et qui va être donc le premier jour de Mina, et le premier jour de ce qu'on appelle les jours de Tashriq, il va donc jeter les pierres aux trois jamarat. Et ceci doit se faire durant un temps qui est obligatoire, que l'on ne peut faire donc avant, et qui est bar de zawal, après donc la déclinaison. Donc avant la déclinaison du soleil, on ne peut faire cet acte-là qui est ramy al-jamara. On est obligé de le faire bar de zawal, après le zawal, après donc la déclinaison du soleil. Donc lorsqu'il y va, le mieux pour lui, c'est qu'il y aille donc à pied. Il commence par la première jamara, al-jamaratul ula. Donc cette jamara qu'il a laissée le jour d'avant. De même pour ce qui est de al-jamaratul thania qu'il a laissée et qui s'est dirigé lui le pèlerin ce jour-là, qui était donc le jour du Eid, ou alors enfin le jour du Nahar, pour ce qui est du pèlerin, il les a délaissés tous les deux. Mais ce jour-là donc, qui est le premier jour de Tashriq, il commence par la première, qui se trouve donc en première position, et qui est en réalité celle qui va être la plus proche de ce qu'on appelle Masjid al-Khayf. Masjid al-Khayf. Donc cette Masjid qui est présente de nos jours, une grande mosquée qui est présente de nos jours, et qui se trouve donc sur la gauche de cette Jamara, Jamaratul Ula, et qui est donc la plus proche d'elle. Lorsqu'il s'y trouve, il va jeter donc cette pierre. Et il est préférable pour lui, comme nous rappelle le shir, et comme cela est présent dans le hadith de Ibn Omar, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, qu'à chaque pierre qu'il jette, yukabbir. Donc ça c'est une sunna, et c'est préférable. Qu'à chaque pierre qu'il va jeter, il dit donc yukabbir, yaqul, Allahu Akbar. Et le shir rapporte également une dua, Insha'a qal, s'il veut qu'il dit, Allahumma ja'alhu hajjan mabrouran, wa sa'in mashkouran, wa dhanban maghfoura. Ensuite, une fois qu'il a lancé les sept pierres, il est préférable pour lui également. Donc tout ceci, yustahab, wa l'istihbab, qui est un nadab, c'est bien entendu un hukm. Donc c'est mandoub, c'est mustahab. Il est préférable donc pour lui. Il est préférable pour lui qu'une fois qu'il a lancé ces sept pierres, qu'il se place de côté, qu'il s'avance légèrement et qu'il se place de côté, il a mourdirin la yusibu al-hasa, un endroit où bien entendu il sera à l'abri de toute pierre qui pourrait l'atteindre parmi les autres pèlerins qui eux jettent également à ce moment-là des pierres. Et lorsqu'il s'est mis dans cette position, il se met en face de la qibla et il élève ses mains, Rafi'an yaday, fayadru Allah. Ensuite donc, il invoque Allah Azzawajal. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations connues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les invocations également qui sont propres à lui, c'est-à-dire ce qu'il demande à Allah Azzawajal, min hajati, ce que dont il a besoin, etc. Ala kulli hal, hadha 'am, fayadru. C'est général ici donc, il invoque Allah Azzawajal subhanahu wa ta'ala. Et il y reste bi qadri surat al-Baqara. Donc, certains savants ont parlé sur cette parole de Ibn Mas'ud qui rapportait cette parole, هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Certains savants ont parlé sur cette parole de Ibn Mas'ud, et beaucoup d'entre eux ont dit al-maqsoud, c'est-à-dire ce qui est voulu ici par cette parole, yani bi qadri surat al-Baqara, c'est qu'il fasse la dua le temps qu'on aurait pour lire surat al-Baqara, donc un moment assez long. Ça, c'est la sunna. Ensuite, il va à la deuxième jamara, celle qui se trouve juste après, celle qui suit la première. Et il fait donc de même, comme il a fait à la première. Fayataqaddam, donc il s'avance ensuite, après avoir jeté les pierres, an yasari, sur sa gauche, et il invoque également Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a fait lors de la première. Ensuite, il va jeter la troisième. Il va jeter les pierres à la troisième jamara, qui est jamaratul aqaba, celle donc où il a jeté le jour d'avant, yomun nahar. De même donc il fait, il jette sept pierres, sauf que cette fois, à cette fois-là, lorsqu'il a jeté les sept pierres, fi jamaratul aqaba la yaqif. C'est-à-dire, il ne fait pas comme à la première et à la deuxième, où il s'est positionné en direction de la Mecque pour invoquer Allah Azzawajal. Ici donc il passe son chemin. Ensuite il fait cela le deuxième jour et également le troisième jour pour ceux qui vont rester. Wahada wal afdal. Le mieux donc c'est de rester. Car on sait ici qu'il y a une autorisation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son Qur'an que la personne elle peut soit rester deux jours min ayyam at-tashriq et ensuite elle part. Ou alors elle reste les trois jours complets. Comme cela est dans ce verset que le cheikh nous a cité, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Ensuite, il n'y a pas de péché pour ceux qui se comportent en piété à partir au bout de deux jours. À s'attarder non plus. لِمَنِ اتَّقَى. Pour ceux qui craignent. Donc, cette personne-là, elle a le choix entre rester le troisième jour ou alors partir le deuxième jour. Et ici, bien entendu, un point qui est important, c'est que si elle part, elle doit partir avant que le soleil se couche, le deuxième jour. Si par contre, le deuxième jour, elle a l'intention de partir, mais qu'elle a retardé son départ pour quelque raison que ce soit, et que la nuit l'a atteint, et la nuit, bien entendu, c'est avec Ghurub al-Shams, alors elle est obligée à ce moment-là de rester jusqu'au troisième jour, de compléter donc jusqu'au troisième jour. Donc le choix qu'elle a de partir, an yata'ajjal, de s'empresser pour le deuxième jour, il faut que ça soit bien avant Ghurub al-Shams. Une fois qu'elle est à Mina, et qu'elle n'est pas encore sortie de Mina, et que Gharabat al-Shams, et que le soleil s'est couché, alors à ce moment-là, elle doit rester jusqu'au troisième jour. Ici également, le shir va nous préciser, pour ce qui est de l'imam, celui donc qui est imam, yuqimu linnas al-manasik, celui donc qui est en position d'imam et qui organise donc les rites dont les gens le suivent, l'ont pris comme imam, et qui donc le suivent lorsqu'ils font les rites. Il dit le shir que la sunna, c'est qu'il reste jusqu'au troisième jour. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était lui l'imam des gens lorsqu'il a fait son pèlerinage et qui lui est resté durant trois jours. La sunna également, comme nous le cite le shir, c'est que celui qui est comme imam, il prie donc et que les gens le suivent dans sa prière. Et ici le shir va nous dire ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون قصرا أو كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أَتِمُّ صَلَاتَكُمْ فَإِنَّ قَوْمٌ سَفْرٌ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ بِمَكَّةَ بِنَفْسِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ عَامٌ صلى الرجل بأصحابه والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده. Donc le shir il nous dit qu'il est préférable que les gens ne délaissent pas la prière dans la mosquée de Mina, qui est appelée Masjidul Khayf, qui est appelée Masjidul Khayf, et qui est donc une mosquée qui est présente de nos jours, une grande mosquée qui est présente de nos jours, mais qui n'était pas présente du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue après lui. Elle était construite après lui. Et donc il nous rappelle, le shir, rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que également Abu Bakr et Omar, ils priaient en tant donc qu'imam, et ils priaient, et les gens donc derrière eux, ils priaient qasran, en raccourcissant la prière. Donc le dhuhr, deux unités de prière, pour ce qui est du asar et pour ce qui est du aisha de même. Bila jama, sans donc les rassembler. Donc ils priaient chacune à leur heure, mais bi qasr, c'est-à-dire donc en raccourcissant. Ça, c'est la prière qui se fait lorsqu'on est à Mina, durant Ayyam al-Tashriq. Et que tout le monde priait derrière eux, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit ensuite Abu Bakr ou Omar, tout le monde priait derrière eux, que ce soit les gens de Mecca ou alors que ce soit les gens qui ne sont pas de Mecca. Tous ensemble, donc, ils priaient qasran. Donc, c'est une question également que le shir avait déjà parlé et qui disait que même les gens de Mecca, ils doivent prier à ce moment-là qasaran. Ceux qui sont présents, qui font le hajj et qui habitent Mecca, ils doivent prier à ce moment-là qasaran. Comme les autres gens qui ne sont pas de Mecca. Il nous a rapporté également le hadith, et ce hadith qu'on avait déjà cité, et qui est un hadith qui n'est pas authentique pour ce qui est donc de cet endroit-là. C'est-à-dire lorsque le prophète sallam il a dit cette parole, « Oh les gens de Mecca, continuez, ou alors complétez votre prière, car nous sommes des gens qui sont en état de voyage. » Ce hadith, donc, qu'on a vu qu'il n'était pas authentique, qui était rapporté par l'imam Abu Dawud, min hadith Imran ibn Hussein, également rapporté par l'imam Malik fil Muwatta, mawqufan ala Omar, qui s'arrêtait donc à Omar, et qui est un hadith, comme nous l'a rappelé l'imam Al-Albani, fil Da'if, Sunan Abi Dawud, et qui est le numéro 1229, qui nous a rappelé que c'était un hadith qui était donc Da'if, qu'on ne prenait pas en compte. Et donc les gens de Mecca avaient le même régime que les autres gens. Ils devaient donc prier qasran bidoun jama. Et s'il n'y a pas un imam général, c'est-à-dire un imam qui va prier pour tous les gens qui sont présents, alors chaque personne prie avec ses compagnons de pèlerinage, ou alors ses compagnons de route, bi ashabi. Mais comme nous a dit le shir, il est préférable de prier dans la mosquée Al-Khayf, de prier donc avec l'imam qui va se trouver et qui va prier donc pour les gens, de prier avec lui fi masjid Al-Khayf. Et ici un hadith qu'on va citer et qui est un hadith qui est pris en compte, Hassan, qui est un hadith Hassan rapporté par l'imam At-Tabarani Wad-Diya Al-Maqdisi fi Al-Mukhtara, et qui est un hadith qui est rendu hassan par l'imam Al-Mundhiri et également l'imam Al-Albani, et qui est cette parole: Salla fi masjid Al-Khayf sab'ouna nabiyyan, qui est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Salla fi masjid Al-Khayf sab'ouna nabiyyan, c'est-à-dire donc qu'il a dans la mosquée de Al-Khayf 70 prophètes. Ensuite, le shir il va nous rappeler ce qui est préférable de faire pour le pèlerin, s'il lui est possible cela, et ce qu'a fait en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donc resté les 3 jours de ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq à Mina. Ensuite, il nous dit: ثم إذا نفر من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى لكن ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. Donc ensuite, lorsqu'il part de Mina pour se diriger à Mecca, s'il lui est possible de rester à un endroit qui s'appelle Al-Muhassab wa Al-Abtah, et qui se trouve entre les deux montagnes. et qui s'étend donc jusqu'à il al-Maqbara, en direction de al-Maqbara. Donc, s'il y reste, et ensuite, il se déplace pour aller en direction de Mecca, fahassan. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait. Il est resté la nuit à cet endroit, al-Muhassab, après être sorti donc de Mina, le troisième jour. Et ensuite, il est sorti de cet endroit, al-Muhassab, pour se diriger à Mecca. Sachant qu'il n'est pas resté à Mecca. Lam yuqim bi Mecca, bar de sudurihi. Une fois qu'il y est arrivé. C'est-à-dire une fois qu'il est arrivé en direction, et qu'il venait donc en direction de Mina. Mais qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wadda'a al-bayt. C'est-à-dire donc, il a fait son adieu à la maison sacrée. Et il a dit, donc ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus de cela, c'est qu'il a dit cette parole, ce qui va rendre ici obligatoire à toute personne qui après Mina va à Mecca et qui de Mecca ne reste pas et retourne dans son pays, dans son contrée, qu'il fasse ce qu'on appelle tawaf al-wada'. C'est le maqsoud bi wadda' al-bayt. Hada wa al-maqsoud. Lorsqu'il fait son adieu à la maison sacrée, al-maqsoud bihi, c'est qu'il fait le tawaf. Donc les sept tawaf autour de la maison. Qu'ensuite il prie derrière maqam Ibrahim. Donc on a vu, bien entendu, que ces deux rak'a, elles étaient propres aux sept tawaf que l'on fait. Que ce soit en état de sacralisation, que ce soit en dehors du hajj ou autre. Au moment où on a fait sept tawaf, les sept tawaf donc autour de la al-bayt, on doit faire ces deux rak'a. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, au niveau de l'acte, c'est qu'il a fait ici tawaf al-wada', wadda al-bayt. Et il a dit cette parole, et cette parole-là va donner un hukm bien précis à ce tawaf, et qui est le wujub, qui est donc l'obligation. C'est pour ça qu'il dit la yanfiranna ina huna nun tawkid huna nun tawkid. C'est-à-dire qu'il va insister le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il va dire que personne ne parte sans que son dernier acte il se fasse autour de la maison. C'est-à-dire que son dernier acte doit être tawaf al-wada, an yuwaddi al-bayt hatta yakun akhir hadi bil bayt. La dernière chose qu'il va faire, c'est faire ce tawaf. Et donc ici, c'est une obligation. Ce hadith, bien entendu, qui est rapporté par l'imam muslim dans son authentique, min hadith ibn Abbas, et qui a également d'autres versions auprès de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qui est donc des plus explicites, amara an-nas an yakuna akhir ahdin bil bayt. Amara an-nas, c'est-à-dire qu'il a rendu obligatoire, qu'il a ordonné, ici l'amr, qu'il a ordonné aux gens que le dernier acte qu'ils vont faire en quittant la Mecque, c'est donc le tawaf autour de la maison, en signe donc d'adieu. C'est donc en signe d'adieu. C'est pour ça qu'on appelle tawaf al-wada. Et c'est ce qu'on appelle ici tawdi' al-bayt. Et c'est donc une obligation. Ensuite, il y a également ici, on ne rentre pas dans ce sujet-là, il y a également un irtilaf, c'est-à-dire une divergence entre les savants pour celui qui ne fait pas cet acte-là. C'est-à-dire que la dernière chose qu'il va faire, ce n'est pas tawaf al-wada', qui va délaisser tawaf al-wada'. Est-ce que, alayhi dam, est-ce qu'il doit donc égorger en compensation ou non? Ici donc, il y a un irtilaf entre les savants. Ceux qui ont dit qu'il doit égorger, ceux qui ont dit qu'il ne doit pas égorger. Mais que, il a bien entendu été à l'encontre de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawa athim, idan wa athim, c'est-à-dire que, au pire des cas, il tombe dans le péché. Au moins des cas, il tombe dans le péché, et en plus de cela, pour certains savants, il doit également aller idam, c'est-à-dire donc, il doit égorger, en titre de compensation. Et c'est pour ça que Sheikh al-Islam yaqul, fala yakhruj al-hajju hatta yuwaddi'a al-bayt, fayatufu tawaf al-wada' hatta yakun akhiru ahdi bil-bayt. ومن أقام بمكة فلا وداع عليه وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه وإن أقام بعد الوداع أعاده وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. Donc le cheikh nous dit ici, donc c'est important, c'est que la dernière chose que le pèlerin doit faire lorsqu'il quitte la Mecque, c'est donc de faire ce tawaf. Et c'est la dernière chose qu'il fait. Donc le pèlerin, s'il revient à Mecca, il reste une longue période à Mecca, il n'a pas à faire de tawaf jusqu'à qu'il parte, bien entendu. Ce tawaf, il faut qu'il se fasse au moment où il quitte Mecca. Yuhadir min Mecca. Donc si la personne, elle sait que lorsqu'elle revient à Mecca, elle va rester un mois, elle va rester une semaine, elle va rester deux semaines, elle ne fait pas ce tawaf al-wada. Elle le retarde jusqu'à son départ. Et si par ignorance, elle faisait donc ce tawaf al-wada à ce moment-là, et ensuite qu'elle reste à Mecca, alors elle devra le refaire. Elle devra donc le refaire au moment où elle partira. Bien entendu, pour celui qui reste à Mecca, qui reste muqim, qui est résident, qui reste à Mecca, pour lui, bien entendu, il n'a pas à faire ce tawaf. C'est uniquement dans le cas de ceux qui vont quitter Mecca, qui ne sont pas des gens qui restent à Mecca, qui sont résidents à Mecca. Ici, une question qui va se poser, qui est bien plus précise, c'est lorsque la personne, elle fait son tawaf. Elle a fait son tawaf, cette tour autour de la Kaaba, elle a prié ses deux rakas, et ensuite elle s'en va. Qu'est-ce qui lui est permis de faire à ce moment-là? Parce qu'on a dit, elle ne doit rien faire d'autre. Elle doit partir. C'est la dernière chose qu'elle doit faire. Il y a ici certaines choses que la personne, elle peut faire, et c'est des choses qui sont yassir, qui sont légères. C'est-à-dire que, il peut retourner dans sa maison, ou alors son appartement, là où il logeait durant cette période-là, pour prendre ses affaires, et pour les mettre donc, à la dabbati, sur sa monture. Ou alors, ce qui lui sert donc de monture. De nos jours donc, de mettre ses affaires dans le car, ou etc. Pour donc pouvoir partir. Donc s'il fait ça, le fait donc de pratiquer ce dont il a besoin, qui sont pour lui très importantes, alors il peut les faire. Au moment donc il revient de faire son tawaf. Il peut donc le faire. Comme on a dit donc, prendre les affaires et les mettre dans le car, etc. Par contre, il n'a pas le droit d'aller par exemple au souk et de faire des achats, de commencer à se promener et de faire des achats. Là, ça c'est pas permis. Si la personne elle fait ça, alors elle devra refaire ensuite tawaf al-wada. Parce que la dernière chose qu'elle a fait c'est at-tijara, c'est un commerce, et c'est pas tawaf al-wada. Donc pour cette personne, elle devra retourner, refaire son tawaf al-wada. Par contre, comme on a dit, pour les choses qui rentrent dans la nécessité, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal à cela. Et qui rentre bien entendu min asbab ar-rahil, qui rentre dans les causes donc du départ. Comme le dit le shir, fala i'adata alayh. Et donc le shir nous précise, wa in aqama ba'd al-wada a'adahu. C'est-à-dire si la personne, il y a eu par exemple un retard, et qu'elle est obligée donc de rester, et ils ne peuvent partir, et donc ils sont obligés de rester, alors à ce moment-là, ils seront obligés de refaire, ou alors les pèlerins sont obligés de refaire tawaf al-wada. Et nous dire le shir que ce tawaf est obligatoire, indal jumhur, c'est pas auprès de tous les savants, mais indal jumhur, c'est-à-dire la plus grande partie des savants, il est obligatoire. Et il est comme tel, car les hadiths, et c'est notre preuve sur lesquelles on s'accroche, les hadiths sont plus que clairs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu l'ovre, indal bukhari muslim, amaran nas, c'est-à-dire qu'il a ordonné aux gens. Bien entendu, s'il y a une exception qui est faite, c'est la femme qui est en état, qui a ses menstrues. La femme qui a ses menstrues, elle peut partir sans faire tawaf al-wada. Et c'est pour ça que dans le hadith qu'on a cité auparavant, bilav amara, عند الصحيحين من حديث ابن عباس, النبي صلى الله عليه وسلم قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. Ibn Abbas nous rapporte امر الناس, يعني le prophète s'est ordonné les gens, ان يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. Sauf qu'il est que pour la femme qui a ses menstrues, alors cette obligation lui a été allégée. Cette obligation lui était allégé. C'est-à-dire, cet acte-là lui était allégé dans le sens que elle n'a pas à le faire. Et donc, elle part. Ensuite, يقول الشيخ رحمه الله وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك ولو أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع. Le Cheikh ici va faire allusion également et nous rappeler ici à un acte qui est en réalité mashrou', qui est légiféré. Cet acte-là, c'est le fait d'aller à l'endroit, ce qu'on appelle le multazam. Pourquoi on appelle ça le multazam? Parce que les gens, yaltazimou nabi. Et shmarna yaltazimou nabi, c'est-à-dire qu'ils se raccrochent à cet endroit-là. Et c'est l'endroit qui se trouve entre al-hajar al-aswad et al-bab. Et donc les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles posent leur poitrine, c'est-à-dire elles collent leur poitrine à cet endroit, donc contre Al-Kaaba directement, qui se trouve donc entre la Hajar al-Aswad ou Al-Bab. Al-Bab, la porte. Donc ils y collent leur poitrine, leur face, leur figure, également leurs bras, leurs mains, la paume de leurs mains. Et ils invoquent Allah Azzawajal, ils demandent à Allah Azzawajal ce dont ils ont besoin. Pour cet acte-là, il se trouve un hadith, et qui est un hadith authentique, dont Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi nous a rappelé dans son livre Manasikul Hajj wal Umrah, et qui était rapporté de deux chaînes de transmission, et qui est un hadith hassan, considéré au niveau de Al-Mustalah comme hassan, et qui également, ce hadith-là, qui est appuyé par l'acte qu'ont fait plusieurs parmi les sahaba, et parmi Ibn Abbas. Et ce hadith, c'est le suivant. Hadith rapporté par Ibn Majah, et une autre version également qu'on va retrouver auprès de Abu Dawud. An Amr, Ibn Shu'aib an Abi an Jaddi, قال, Tuftu ma Abdullah ibn Amr, falamma faragna min al-sab' raka'na fi dubur al-ka'ba, ila an qal, thumma mada, فاستسلم الركن ثم قام بين الحجر والباب ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخذه إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. Ce hadith où Abdullah ibn Amr, lorsqu'il a terminé les 7 tours autour de la Kaaba et qu'il a pris donc ses 2 rak'a, il a été à cet endroit qui se trouve entre al-hajar al-aswad wal-bab et qu'on appelle donc al-multazam, et qu'il y a donc collé sa poitrine, ses mains, également sa joue, donc sa figure. Et il a dit, après avoir fait cet acte-là, c'est ainsi que j'ai vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc ce hadith-là, il est hassan, de par ces 2 chaînes de transmission. Et également, il est appuyé par le fait que beaucoup parmi les sahaba l'ont fait, et parmi eux Ibn Abbas et d'autres. Donc également, c'est une chose qui est légiférée de faire. Et il nous dit le shir, la farqa baina an yakuna hal al-wada' aw ghayra. C'est-à-dire qu'on peut le faire, que ce soit durant, au moment où on fait al-wada', donc l'adieu, ou alors à un autre moment. Et il nous rappelle le shir, que parmi les sahaba, ceux qui faisaient cela lorsqu'il rentrait à Mecca. Ensuite il nous dit, wa in sha'a qala fi du'a'ihi ad-du'a al-ma'thur an Ibn Abbas. Et donc au moment où il va partir, après qu'il a fait son tawaf al-wada', il y a une doua également que le pèlerin peut dire, que nous rappelle ici Cheikh al-Islam, et qui est une doua héritée de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, et qui est la suivante, donc je vais la citer en arabe, et en traduire le contenu. Allahumma inni abduk, wa ibnu abdik, wa ibnu amatik, hamaltani ala ma sakhartali min khalqika, wa sayyartani fi biladika, حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Donc cette dua que Ibn Abbas disait et qui se trouve auprès de l'imam al-Tabarani fi kitab al-dua et également al-Fakihi fi akhbar Mekka ou al-Bayhaqi fi sunan bab wuquf al-multazam. Et il rappelait l'imam al-Bayhaqi que c'était la parole de l'imam également de l'imam al-Shafi'i et il disait wa hasan, et c'est une bonne chose. À la kulli hal, cette dua qui est la suivante de Ibn Abbas qu'il disait, et donc il dit le shir, s'il veut, le pèlerin il peut la dire, qui est la suivante, où le pèlerin, où l'esclave il reconnaît donc la al-ubudiyya, c'est-à-dire donc qu'il est en état d'esclave devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est en état de serviteur devant Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que cela donc implique, et qui est donc al-ubudiyya, et où également yashkurullah, c'est-à-dire qu'il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de cette ni'ma lorsqu'il lui a facilité de venir faire le pèlerinage à sa maison sacrée, et également où il est demandé la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah azawajal qu'il soit satisfait de nous, donc demander sa satisfaction avant même de repartir, et de demander également lorsqu'on repart de rester au même niveau d'où sur lequel on était durant donc ce pèlerinage, yani fil khair, et qu'on ne change pas donc, que ce soit notre religion ou autre chose, ou alors qu'on se détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'on retourne donc chez nous, alors qu'Allah il est satisfait de nous, et qu'on soit donc dans la meilleure des positions par rapport à la religion, par rapport à l'islam. Et également on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-afia, c'est-à-dire donc lors de notre retour, que on soit accompagné donc de l'afia, du salut et de la bonne santé, que ce soit dans notre corps, et également d'être protégé dans notre religion, et donc de retourner de la meilleure des façons, et également demander à Allah Azzawajal, tant qu'il nous laisse en vie, d'être dans sa soumission complète et d'être donc dans son obéissance, et également de rassembler le bien qu'il y a dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, en rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est pour toute chose capable, de toute chose capable subhanahu wa ta'ala. Ensuite il nous dit le shir, وَلَوْ وَقَفَ عِنْدَ الْبَابِ وَدَعَا هُنَاكْ مِنْ غَيْلِ الْتِزَامِ لِلْبَيْتِ كَانَ حَسَنًا. C'est-à-dire également, si la personne elle reste devant al-bab, عِنْدَ الْبَابِ, c'est-à-dire la bab de la Kaaba, c'est-à-dire en étant devant, sans même donc se raccrocher, se coller au mur, mais qu'elle reste devant et qu'elle lève ses mains et qu'elle yad'u Allah, c'est-à-dire qu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, également ça c'est bien, également kana hasanan, également ça également c'est bien. Fa'idha walla la yaqif wa la yaltafit wa la yamshi al-qahqara qala al-tha'alabi fi fiqh al-lugha al-qahqara mashyatu al-raji'i ila khalfin hatta qad qil إنه إذا رأى البيت رجع فودع وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقر بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. Donc ici le shir va nous dire, et c'est un point qui est important, un tanbi, une mise en garde ici de ce qu'on font certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils invoquent Allah Azza wa Jal? Donc les dernières invocations qu'ils font lorsqu'ils vont quitter la Kaaba, alors qu'ils sont donc en face de la Kaaba, qu'est-ce qu'ils font eux? Lorsqu'ils repartent, ils font ce qu'on appelle al-qahqara, yamshi al-qahqara, al-qahqara. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement marcher en arrière. C'est donc marcher en arrière, faire des pas en arrière. Donc en laissant la Kaaba devant nous, mustaqbilan al-Kaaba, en laissant al-Kaaba devant nous et en marchant en arrière. Ça c'est interdit, ça c'est pas permis, et c'est comme va nous le rappeler le shir, que c'est quelque chose qui n'est qui n'est pas permise de faire, que personne n'a fait, parmi les sahaba ou autres. Et c'est donc ici une innovation de faire cet acte-là. Ayadun billah. Donc le fait de marcher en arrière pour ne pas donc quitter la Kaaba et de continuer à voir la Kaaba. La personne, lorsqu'elle finit les doigts, elle ne s'arrête pas. Donc elle s'en retourne et elle continue. Voilà yaltafit, c'est-à-dire elle n'a pas regardé à droite ou à gauche. Il part tout droit. C'est terminé. Il a fait al-wada'. Tayyib. Jusqu'à même, comme nous dit le shir, inna wida ra'a al-bayt raja'a fawadda'a. Même à ceux, certains donc qui ont dit, s'il se retourne et regarde une autre fois encore la Kaaba, alors il doit retourner et encore faire le wada'. C'est-à-dire retourne faire le wada', al-wada'. C'est-à-dire tawaf al-wada'. C'est pour ça donc qu'il est rappelé, Ibn Qudama a rappelé dans son livre Al-Mughni, d'après l'imam Ahmed, rahimullah, إذا ودع البيت يقوم عند البيت ويدعو الله فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت فإذا التفت رجع فودع. C'est-à-dire donc lorsqu'il a fait le tawaf, ou tawaf al-wada, donc il a fait ses adieux à la maison, et qu'ensuite il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il s'en retourne, alors il ne doit pas s'arrêter. ولا يلتفت, il ne doit pas de regarder droite à gauche. Sans retourner. Il repart donc directement. فَإِذَا الْتَفَتَ رَجَّعَ فَوَدَّعَ. C'est-à-dire s'il se retourne. S'il regarde de droite à gauche, alors il retourne pour faire al-wada'. Donc ici, al-maqsoud, c'est que la personne, lorsqu'elle a fait le doigt, elle s'en retourne et elle part normalement. Et elle ne regarde plus la Kaaba. Elle part donc à son domicile ou à l'endroit où elle va partir de la Mecque. C'est ce qu'elle fait. Donc elle ne retourne pas en marchant en arrière et elle ne retourne pas en regardant la Kaaba. Et de même pour ce qui est, il nous dit le shir, ici à titre de complément, de même pour ce qui est de Masjid al-Nabawi. On va voir donc ensuite qu'il y aura un chapitre sur cela où le shir va nous parler de ce qui est légiféré lorsqu'on est à Médine. De même donc, lorsque la personne elle passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle part. Donc elle a passé le salam, elle part tout droit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas à revenir en arrière, revenir sur ses pas en marchant en arrière, mais qu'elle sort comme toute personne sortirait lorsqu'il a fini sa prière, lorsqu'il sortirait de la mosquée au moment où il a fini sa prière. Il sort de la même manière pour celui qui passe le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bi dhal qadr wa nwasil inshallah ta'ala dars al qadim wa huwa inshallah ta'ala al-yawm الثلاثاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك